Exercice 9, page 156. A. Il est blanc. Transformer. Elle est blanche. B. Il est franc. Transformer. Elle est franche. C. Il est frais. Transformer. Elle est fraîche. D. Il est sec. Transformer. Elle est sèche. E. Il est lâche. Transformer. Elle est lâche. F. Il est riche. Transformer. Elle est riche.